On en profite pour parler avec Raymond Poirier, notre chroniqueur numérique. Bonjour, Raymond. Bonjour. Comment ça va? Mais ça va très bien, ça va très bien. On revient sur cet événement qui a eu lieu à l'Université Laval. Ça, c'était mercredi dernier. C'était organisé par l'Association des étudiants aux études supérieures, la chaire publique de l'ALIS. On parle de Big Data. Alors, qu'est-ce que c'est donc le Big Data, Raymond Poirier? Oui, en fait, Big Data, c'est toujours la question épineuse, en fait, comment le définir. Et heureusement, justement, le premier conférencier de la soirée, il faut dire que l'événement était un peu une suite de quatre conférences très courtes. Et donc, il y avait François Laviolette, qui était directeur du Centre de recherche en données massives, qui, d'entrée de jeu, nous a offert une définition, si on peut dire, de la chose. Alors, il dit, regardez, pour bien saisir ce que sont des données massives, il faut y aller avec quatre V. Donc, l'idée du volume, de la vélocité, de la variété et de la véracité. De manière un peu plus précise, quand on parle de volume, c'est la quantité de données. Et ce qui est fascinant, en fait, il nous montrait des statistiques, il nous disait, il y a 20 ans, 30 ans, ben, dans le fond, on trouvait extraordinaire dans une quantité de données, un octet de données, et aujourd'hui, ben, c'est presque insignifiant, je veux dire, si on a simplement un octet dans notre téléphone, on peut à peu près rien faire. Donc, la capacité en stockage de données s'est décuplée au fil des années, continue de se décupler. Et en parallèle, ben, ça veut dire aussi que la société émet de plus en plus de données aussi à chaque année. À la limite même, on pourrait dire qu'aujourd'hui, il y a plus de données qui ont été faites que dans à peu près l'ensemble de l'histoire de l'humanité, là, si on pousse à peine. La vélocité, c'est l'idée que ces données-là sont émises en temps réel très, très rapidement. Donc, il faut aussi pouvoir les traiter très rapidement. La variété, c'est dans la logique où ce ne sont pas des données uniformes. Donc, quand on parle de données massives, on va puiser dans un peu tout ce qui est émis sur le web, tout ce qui est émis dans nos courriels, tout ce qui est présent dans nos ordinateurs. Alors, il y a plusieurs types de formats, il y a des images, il y a des textes et autres. Alors, donc, c'est ce qu'on entend par variété. Et par véracité, c'est l'idée que les données auxquelles on a accès sont des données qui sont vraies. Parce que si on veut aller forer les données massives pour aller chercher des réponses, pour aller chercher des contextes, pour aller comprendre des situations, voire même en fait prédire des événements qui pourraient peut-être arriver, eh bien, il faut évidemment se baser sur des données qui sont vraies, qui sont véritables et véridiques. Bon. Alors, évidemment, on ne parle pas de Big Data sans parler de statistiques, j'imagine. Non, exactement. Et c'est justement la deuxième conférencière, Anne-Sophie Charest, qui, elle, est venue nous rappeler que, bien qu'on, le terme données massives, je pense qu'en fait, les auditeurs de CKRL, autant que, un peu tout le monde, on en entend parler depuis quelques années. Donc, c'est ce qu'on appelle un buzzword, dans la mesure où, c'est quelque chose qui vient d'arriver, qui s'est imposé. Et ce vocable-là, définit quelque chose qui existait avant. Avant qu'on puisse même avoir autant de capacités de stockage, on faisait ce qu'on appelle de la statistique. Et la statistique, Mme Charest nous a rappelé que c'est le moyen d'apprendre à partir de données. Alors, donc, que ce soit des données déjà recueillies en fonction, justement, de ce qu'on veut apprendre, comme dans le cas de la statistique, ou, et c'est un peu ce qui distingue la statistique de la donnée massive, c'est que dans les données massives, on les recueille quoi qu'il en soit. Donc, le défi est plus de trouver qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données-là, de quelle manière on peut les exploiter, parce qu'on ne les a pas recueillies en fonction d'une étude, en fonction d'une analyse. Et donc ça amène d'autres défis, évidemment. Et ce qu'elle dit, c'est qu'évidemment, la statistique, elle aussi évolue en fonction de la donnée massive et qu'il y a des nouveaux enjeux aussi qui émergent à travers cette évolution-là. Que ce soit en statistique ou ailleurs. Cela dit, entre autres, l'enjeu de la confidentialité. Donc, comment réussir, dans le fond, à faire que dans nos analyses, à travers les données, on réussisse quand même à respecter la vie privée des gens, qu'on réussisse à respecter le fait que les gens ne veulent pas nécessairement être retracés à partir de leurs données. Donc, est-ce que c'est le cas déjà? Ça peut l'être. C'est le grand enjeu. Dans la mesure où, l'exemple qu'on donne souvent et que je donne moi-même souvent, c'est celui de Netflix qui, à un moment donné, avait décidé d'ouvrir, dans le fond, ses données de recommandations de critiques de films, en fait, faites par ses usagers, il y a ça quelques années. Et, dans le fond, les gens avaient réussi à partir de ces données entièrement anonymisées-là, à aller les désanonymiser, donc aller chercher quelques personnes et savoir quelles étaient les recommandations que ces gens-là avaient données en croisant ces banques-là avec d'autres banques de recommandations en ligne, comme par exemple IMDb et le reste. Donc, c'est possible de faire ce chemin-là. Et dans ce contexte-là, le défi, c'est de voir de quelle manière on peut créer des données qui pourront rester anonymes. Elle, ce qu'elle disait, c'est qu'à la limite, en fait, éventuellement, ce sera peut-être de créer des données synthétiques. Donc, d'essayer de voir de quelle manière on peut créer des jeux de données qui sont similaires aux données réelles, donc dans lesquels on est en mesure d'observer les mêmes tendances, mais qui ne sont pas associées à aucun cas réel. Donc, à la limite, ce serait probablement la manière là, pour assurer la confidentialité de l'ensemble des données mises. Surtout qu'on n'a pas le contrôle sur ces données-là. La plupart des gens, enfin, moi y compris, là, on émet toutes ces données-là sans avoir aucune idée comment les contrôler. Exact. Puis en fait, veux pas, c'est avec des logiciels comme Twitter, Facebook ou autres, bien, il y a toujours les enjeux des fiches de confidentialité, des trucs qu'on accepte sans vraiment les lire, dans lesquels, pour l'instant, sont détaillés justement ne serait-ce que la propriété de la donnée, l'aspect public de la donnée et le reste. Donc, il y a aussi beaucoup d'éducation, je pense, à faire en matière de nous, notre gestion de nos données. Il y a le big data et l'analyse du langage. Là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais en fait, on se disait tantôt, bon, il y a beaucoup d'images, évidemment, qui sont émises sur le web. Il y a aussi beaucoup de textes. Pour les images, ça, il y a une approche qui est en train d'être développée qui s'appelle le deep learning. Donc, l'idée qu'on est capable d'apprendre à un ordinateur à reconnaître des éléments de l'image pour éventuellement en arriver à décrire l'image. Donc, c'est une contextualisation. Et ce qu'on dit, c'est qu'il faut que ce soit la même chose aussi au niveau du langage. Mais au niveau du langage, le défi, c'est que, dans le fond, bon, il y a énormément de textes qui sont émis, donc humainement, on peut pas facilement passer à travers de tout ça. Il faut que ce soit une machine. Il faut que la machine, elle soit en mesure de comprendre ce qui est écrit. Mais pas simplement comprendre les mots, mais pouvoir comprendre aussi le contexte. Donc, dans la mesure, par exemple, où des textes ne sont pas nécessairement écrits en anglais, en français adéquats, donc ça peut être en langage approximatif, il y a tous les acronymes, donc il faut qu'on puisse reconnaître des textes en dehors, dans le fond, de leurs attributs grammaticaux. Il faut également qu'on puisse détecter le sentiment qui est émis par la personne qui est en train d'écrire ce texte-là. Est-ce que la personne est ironique? Est-ce qu'elle est en colère? Est-ce qu'elle est contente? Parce qu'évidemment, ça va changer aussi la lecture et la compréhension qu'on va avoir du texte. Si on dit qu'on aime quelque chose, mais qu'on est ironique, évidemment, ça veut dire qu'on ne l'aime pas. Donc, on peut pas prendre ça à 100% pour acquis. Ouais. Et en plus, ben, si, mettons, ces textes-là sont écrits dans un contexte de discussion plus large, mais il faut comprendre aussi le fil de discussion qui a mené à cette intervention-là. Donc, c'est un peu les éléments d'analyse du langage qui sont en train d'être développés, si on peut dire. C'était présenté ça par Richard Coury, qui est professeur au département de génie informatique, génie logiciel à l'Université Laval, et qui dit, ben, regardez, il faut tendre vers ça. Éventuellement, il y aura des développements qui pourront être faits, que ce soit en défense, que ce soit pour combattre la toxicité sur les médias sociaux ou autres. Donc, dans le fond, dans tout ce qui pourra nous permettre de faciliter, dans le fond, l'analyse et la compréhension du discours. Est-ce qu'il y a des exemples d'application du big data dans la ville? Oui, ben en fait, Viviane Gravel était là pour clore un peu le panel. Elle est présidente de B-City. C'est un projet, il y a des multitudes, évidemment, de projets en lien avec la ville intelligente. C'est un exemple assez parlant où elle dit qu'elle souhaite utiliser des données massives pour permettre aux villes de faciliter leur processus de décision, mais aussi de mettre en contact leur processus de définition, de décision. Donc, elle a pour l'instant, je pense, à peu près 15-16 villes qui sont associées dans cette plateforme-là, donc qui partagent l'information, qui partagent des bons procédés et qui vont développer tranquillement, dans le fond, différentes applications pour permettre d'utiliser les données massives émises dans le contexte urbain et de faciliter justement des choix au niveau, par exemple, du transport, au niveau de la gestion de la neige, au niveau de la gestion des réseaux sociaux, etc., etc. Donc, on s'en va un peu tranquillement vers l'intelligence artificielle à travers ce schéma-là. Et donc, c'est de dire de quelle manière on peut mieux accompagner les décideurs, parce qu'elle a mis l'emphase là-dessus. Je pense que l'ensemble des conférenciers aussi l'ont fait à leur façon. C'est dire, dans le fond, que la donnée massive et l'intelligence artificielle, l'objectif, c'est pas que ça vienne remplacer l'humain et que ça nous donne, dans le fond, de la prise de décision tout en clé en main, si on peut dire. C'est plutôt de dire, ben voilà, on va donner des atouts additionnels pour les décideurs pour qu'eux puissent considérer cet élément-là et considérer d'autres éléments dans leur prise de décision éclairée. D'ailleurs, ça, ce sont des thèmes qui vont être discutés encore au colloque Objectif numérique 2017, hein? Oui, exact. En fait, on aura sûrement l'occasion de s'en reparler la semaine prochaine. Je vais passer 3 jours ici sur le campus à l'Université Laval. On va parler de données massives, deep learning, machine learning, intelligence artificielle, ville intelligente, avec aussi des questions d'éthique, des questions de droit, des questions des enjeux sociaux. Donc, je pense que ça va être un 3 jours assez intéressant. J'ai très hâte de vous en reparler lundi prochain. Ben, nous aussi, d'ailleurs. Merci, Raymond. Merci beaucoup, plaisir. Raymond.